y a des endroits, dit-on, qui, une fois qu'on les a vus, ne nous quittent plus jamais vraiment. L'Antarctique est certainement l'un de ces endroits-là. Le continent blanc exerce une telle fascination que, tous les ans, des dizaines de personnes se pressent pour aller passer là-bas une année entière, coupées de la civilisation, dans la nuit complète pendant près de 3 mois, sans pouvoir sortir à l'air libre plusieurs jours, parfois plusieurs semaines d'affilée. Qu'y a-t-il de si spécial dans ce grand désert blanc? Quelle science y fait-on? Avec quels moyens? Et comment survit-on à la nuit qui ne finit jamais? Un hiver en Antarctique, c'est le programme glacial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous faire vivre ces expériences de recherche et de survie polaire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Cyprien Verceux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire de microbiologie spatiale appliquée à l'Institut allemand ZAM, auteur de Un hiver en Antarctique, seul sur la planète blanche. Votre récit de cet hiver à la station Concordia, c'est aux éditions Hugo Images. Et Anaïs Orsi, bonjour. Vous êtes climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Mais avant de partir sur le continent blanc, quelques minutes encore sur nos latitudes tempérées pour le Journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour. Et on commence ce journal avec le congrès Neurosciences 2019 qui se tient actuellement à Chicago. Ce congrès est animé par des questions éthiques au sujet des organoïdes cérébraux. Les organoïdes cérébraux, ce sont de minuscules cerveaux de synthèse que l'on cultive en laboratoire depuis une dizaine d'années. C'est un domaine dans lequel les avancées sont très rapides, à tel point que, selon les dernières études, on obtient des structures complexes capables d'activité cérébrale. Pendant ce congrès, les chercheurs du Green Neuroscience Laboratory de San Diego suggèrent que nous sommes sur le point de développer des organoïdes cérébraux dotés d'une sensibilité ou de certains états de conscience. Par conséquent, ils demandent des cadres éthiques pour les futures recherches. Le résumé publié lundi pose une question: quels sont les seuils pour déterminer la sentience, c'est-à-dire les capacités de sensibilité et de conscience? Alexandra Gros est postdoctorante au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Ça pose la question notamment à partir de quand on considère qu'il y a de la conscience. Et tout le problème est là, c'est-à-dire que par rapport à la conscience, on sait. Aujourd'hui, on ne connaît pas le substrat de la conscience. On connaît également une partie des corrélats, en tout cas neuronaux, qui se cachent derrière la conscience. Donc on est capable de corréler des états de conscience avec des enregistrements électrophysiologiques du cerveau qui nous permet de déterminer un peu l'activité du cerveau en fonction des états de conscience. Mais la conscience en elle-même, le substrat, il nous reste inconnu. Et étant donné que sur les organoïdes, on commence, donc là, les dernières études, là, ça fait plusieurs années qu'il y a des études très intéressantes qui sortent sur les organoïdes, et notamment une étude récente qui a montré qu'il y avait, les organoïdes sont capables de développer une activité électrophysiologique seule, c'est-à-dire sans stimuli extérieurs. Donc ça tout de suite poser cette question de « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et pour l'instant, on ne sait pas, on sait que c'est pas de la conscience et que c'est probablement juste des signaux qui sont là parce que aussi ça se structure. Mais qui dit signaux ne veut pas dire connectivité fonctionnelle, ça veut juste dire qu'il y a une communication qui s'est faite entre les cellules qui sont dans ces organoïdes. Mais étant donné qu'on ne connaît pas le substrat, on ne peut pas en déduire qu'il y a de la conscience dans ces organoïdes et on en est encore très très loin. Étant donné que la complexité du cerveau est quand même bien supérieure à la complexité qui est déjà assez impressionnante des organoïdes. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement que ces organoïdes? À quoi servent-ils? Nous en parlerons mercredi prochain dans la méthode scientifique. Et on passe au bref du jour. Nous en parlions ici la semaine dernière. Google a publié aujourd'hui dans Nature son étude sur ce nouveau processeur quantique. Il s'agit du Sycamore, un processeur sur 53 qubits capable, selon le papier, de réaliser une opération de calcul en 200 secondes, alors que le plus performant des supercalculateurs prendrait environ 10 000 ans pour effectuer ce calcul. Néanmoins, son concurrent IBM appelle à relativiser l'annonce. Selon lui, Google n'a pas atteint la suprématie quantique. Dans un article publié sur iArchive, il montre théoriquement comment un ordinateur classique peut réaliser cet algorithme en non pas 200 secondes, mais en seulement 2 jours et demi. Une étude publiée hier dans Nature évaluait les effets d'un passage à une agriculture 100% biologique en Angleterre sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans la presse, vous lirez que de passer à une agriculture 100% bio augmenterait les émissions de CO2. Sauf qu'il s'agit d'un raccourci. Selon cette étude britannique, les émissions des exploitations individuelles diminueraient. En revanche, les rendements chuteraient. Et pour compenser ce déficit, ce qui ferait augmenter ces émissions de CO2, ce n'est pas l'agriculture en elle-même, mais l'import de nourriture. Et enfin, selon une étude publiée dans Biology Letters, les crabes peuvent se souvenir de leur chemin dans un labyrinthe. Et une équipe anglaise a fait des expériences et a placé des crabes dans un labyrinthe, avec à la sortie une moule comme récompense alimentaire. En seulement 3 essais, les crabes trouvent directement la bonne route, et 2 semaines plus tard, ils se souviennent du chemin sans faire d'erreur. Bien que leur cerveau soit beaucoup plus petit que d'autres animaux, cette étude montre que, contrairement à ce qu'on pensait, les crustacés ont des capacités cognitives d'apprentissage complexes. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences, et comme tous les jours, tous les liens vers les études qui ont été mentionnées, vous pouvez les retrouver sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr ou en vous abonnant à notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors nous allons donc retourner, pour certains d'entre nous, et pour tous les gens autour de cette table, en tout cas en Antarctique, mais avant de commencer cette conversation, Cyprien Verseux, la dernière fois que vous êtes venu à ce micro, vous sortiez d'un an d'isolement dans un dôme à Hawaï pour simuler une mission habitée sur Mars. Moins de 2 ans après, vous partez donc vous isoler 1 an en Antarctique. Alors est-ce que c'est votre véritable identité? Pourquoi ce besoin d'isolement? Est-ce que vous cherchez... C'est pas tellement l'isolement qui m'attire. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose de temps en temps. Pourquoi est-ce que je le fais? Et je pense que c'est parce que j'aime bien m'impliquer complètement dans des choses pour lesquelles je crois. Donc il y a eu l'exploration spatiale avec la première mission que vous mentionnez. Et puis la recherche sur le climat après en Antarctique. Vous racontez dans votre livre que en fait l'Antarctique, les pôles, ça vient avant le dôme hawaïen, ça vient avant cette expérience. C'est ça. J'avais candidaté pour passer 1 an dans une base dans l'Arctique, la mission Mars Arctique 365, et pendant 2 ans j'avais passé différentes épreuves. Et à la fin de la sélection, au moment où on allait partir, elle a été annulée faute de fonds suffisants. Anaïs Orsi, vous n'avez pas fait d'hivernage, mais vous êtes allé plusieurs fois en Antarctique. Alors comment vous expliqueriez-vous cet attrait qu'exerce ce continent? Moi, c'est vrai que je vais en Antarctique aussi pour des raisons avant tout professionnelles, plus que de l'exploration. Je suis climatologue, j'étudie les régions polaires et j'ai été amenée à participer à des opérations de forage assez nombreuses avec plein d'expéditions différentes, de pays différents. Ouais. Mais il y a tout de même un attachement, quelque chose de particulier, une magie de ce continent blanc. C'est vrai que c'est vrai qu'une fois qu'on y va, il y a un peu 2 catégories de personnes. Hein. Ceux qui disent « Ok, c'est bon, j'ai vu, j'ai coché la case, merci, je n'ai pas besoin d'y retourner. » Et puis ceux qui sont émus par la beauté de ces sites-là. Cyprien Verseux, vous dites que un hivernage à Concordia, alors on va rappeler, hein, il y a 2 stations françaises, enfin dont une franco-italienne, il y a Dumont-Durville sur la côte, et à l'intérieur des terres, il y a Concordia, il y a que 3 stations en tout qui sont à l'intérieur de la terre, hein, Vostok et Admundsen pour les États-Unis. Vous dites un hivernage à Concordia, c'est l'une des épreuves psychologiques les plus redoutables au monde. Alors c'est ce qu'on m'avait dit au départ, oui. Alors c'est vrai que c'est un peu... Alors je sais pas si c'est une des épreuves les plus dures au monde, mais c'est vrai que c'est psychologiquement, ça ressemble beaucoup, notamment à des explorations spatiales. D'ailleurs c'est pour ça qu'on était suivis de près par l'Agence Spatiale Européenne, qui regarde comment on s'adaptait pour en tirer des leçons pour les futures missions sur la Lune ou sur Mars. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que on garde ce sentiment temporel d'avoir passé une année complète en isolement, ou est-ce que le temps se raccourcit? Comment est-ce que vous avez intégré cette expérience-là avec presque 1 an de recul, puisque vous êtes rentré il y a plus d'un an? Bah, je pense qu'on voit quand même le temps passer. C'est-à-dire qu'il y a notamment 9 mois d'hivernage où on est isolé, et je pense que ça passe comme 9 mois. Ça passe pas particulièrement vite. Mais c'est pas non plus une épreuve terrible qui fait qu'on aurait l'impression d'y passer 10 ans. Anaïs Orsi, votre plus long séjour en Antarctique, c'était de combien de temps? C'était 87 jours, donc ça fait quelque chose comme 3 mois. 87 jours dans des conditions très différentes, puisque vous y allez pendant l'été austral, donc il n'y a pas la nuit. Il n'y a que le jour, au contraire. Ouais. Vous êtes allé à Concordia aussi, vous êtes allé à Concordia. En fait, non, je suis jamais allé. Vous n'êtes jamais allé à Concordia, vous êtes allé à Dumont-Durville? Je suis jamais allé à Dumont-Durville non plus. Je suis jamais allé avec les Français, en fait. D'accord, vous êtes allé sur quelle station? Et du coup, cette expédition-là, c'était avec les Allemands. Et du coup, on est allé, la station côtière, c'est celle des Novolazarevskaya, des Russes. Et puis après, c'est Conan Station, là où il y avait un autre grand projet de forage épica qui s'appelait Droning Modeland. Épica, on en reparlera tout à l'heure, hein, puisqu'il y a un nouveau projet de forage qui va être le forage le plus profond jamais réalisé, qui devrait nous permettre de remonter jusqu'à plus de 2 millions d'années dans l'histoire du climat, mais on va en reparler dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de l'Antarctique et de la science que l'on peut faire en Antarctique. De quel type de science ? Eh bien, comme on ne fait rien comme d'habitude aujourd'hui, nous allons commencer cette émission avec quelqu'un qui est allé installer sa manip l'été dernier, qui en est revenu et qui est venu pour continuer ses travaux. On va donc passer tout de suite à la recherche montre en main. Bonjour Christophe Leroy de Santos. Bonjour. Vous ici. En deuxième année de thèse au LCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous travaillez sur l'étude de la variabilité climatique récente en Antarctique de l'Est. Bienvenue donc à la recherche Montrement, on vous écoute. Merci. Alors, pour commencer, donc j'étudie la variabilité climatique récente. Enfin, l'idée c'est d'étudier la variabilité climatique récente en Antarctique de l'Est à travers la mesure en isotopes de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est l'isotope de l'eau et à quoi ça sert ? Les isotopes de l'eau, c'est l'outil principalement utilisé pour reconstruire la température sur la période climatique récente, c'est-à-dire le dernier million d'années, à partir d'archives glaciaires, donc de carottes de glace. L'isotope de l'eau, comment ça fonctionne, du coup, comment on s'en sert ? L'isotope de l'eau, en fait, c'est le gros mot pour différentes molécules d'eau, enfin, types de molécules d'eau, qui, grosso modo, pour le commun des mortels, sont toutes les mêmes. Mais à regarder plus près, elles sont un petit peu différentes en termes de masse ou de symétrie, par exemple, ce qui leur confère pressions de vapeur saturante différentes et donc un fractionnement isotopique différent. Je m'explique. Si on prend une masse d'eau et qu'on la fait un petit peu, donc on regarde sa composition isotopique à l'instant T, on fait un petit peu s'évaporer cette masse d'eau, on va se rendre compte que la proportion en différentes molécules d'eau de cette masse d'eau a changé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les différentes molécules d'eau, typiquement, les plus lourdes vont avoir tendance à rester dans la phase la plus condensée, alors que les plus légères vont avoir tendance à aller dans la phase gazeuse. Ça, quand on regarde le cycle hydrologique sur Terre, c'est intéressant parce que quand on voit comment se constituent les calottes polaires, en moyenne, en gros, on a de l'évaporation aux moyennes latitudes du fait de l'insolation. C'est masse d'air très humide, du fait de la circulation générale atmosphérique, se dirige vers les pôles et donc vers des endroits plus froids. Il va y avoir une succession de condensations en cascade qu'on modélise par ce qu'on appelle la distillation de Rayleigh. Et in fine, arrivé sur le continent, on arrive à obtenir une relation linéaire entre les variations et la composition isotopique et la température. C'est donc évidemment très intéressant pour s'intéresser aux carottes de glace, sauf que lorsque on regarde sur des échelles de temps un peu plus fines que le dernier million d'années ou centaines de milliers d'années, etc., on va avoir d'autres phénomènes qui rentrent en jeu que la température et qui font que cette interprétation est plus tout à fait vraie. Et c'est là que ma thèse intervient, c'est d'essayer de mieux comprendre le cycle hydrologique pour mieux interpréter les futures carottes de glace ou même des carottes déjà forées. Bref, en gros, on va en Antarctique de l'Est, puisque c'est là qu'il y a des stations françaises, et on a installé avec ma directrice de thèse Amel Landais deux fois la même installation, Manip, une à Concordia, une à Dumont-Durville, un instrument de mesure de la composition isotopique de la vapeur d'eau, et un instrument qui corrige cet instrument. Bon, qui était une expérience qui était designée spécialement pour le contexte antarctique. Et en fait, on mesure ça en parallèle des précipitations et de la neige de surface. L'idée étant de suivre donc ce cycle hydrologique, la composition isotopique à chacune des étapes du cycle hydrologique qui va constituer la calotte polaire, pour au final mieux comprendre le signal qui va être enregistré dans les carottes et mieux l'interpréter pour les futurs travaux. Merci beaucoup Christophe, merci. Vous restez avec nous pour la suite de notre conversation. Peut-être Anaïs, une réaction à ces travaux en fait ce que vient d'expliquer Christophe. Oui, en fait il faut comprendre qu'en Antarctique il y a très peu d'observations directes. Et donc on est un peu obligé de faire appel à ce qu'on appelle des proxys, comme par exemple les isotopes de l'eau dans les carottes de glace, pour reconstituer l'histoire du climat, et même l'histoire du climat des 50 dernières années, même l'histoire du climat très récente, parce qu'il y a très peu de stations. Et du coup, c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir ces proxys qui nous permettent de mieux comprendre la variabilité actuelle, la variabilité passée, et puis les grands cycles glaciaires. Et pour ça, pour les comprendre, il faut faire des études assez pointues de processus sur les outils que l'on mesure pour pour pouvoir après, de manière fiable, reconstituer l'histoire du climat. Vous avez travaillé sur des carottes, sur la première mission EPICA, c'est-à-dire vraiment sur ce carottage assez profond qui permet de remonter, mais finalement pas si loin que ça dans le climat terrestre. Donc en fait, il permet de remonter 800 000 ans. Donc c'est quand même assez loin, parce que Homo sapiens c'est 200 000, donc bon, quand même ça va. Mais aujourd'hui, on essaye d'aller plus loin. On essaye d'aller plus loin parce que dans les 800 000 ans qu'on a, on voit une très belle correspondance entre la concentration de dioxyde de carbone et la concentration en isotopes de l'eau qui nous donne la température au premier ordre. Et puis on voit qu'on a des cycles glaciaires. Et on a des cycles glaciaires tous les 100 000 ans. Mais à travers d'autres archives qui sont dans les sédiments marins, On peut retourner plus longtemps en arrière, mais avec une moins bonne précision temporelle. Et dans les sédiments marins, on voit qu'il y a 1 million d'années, les cycles glaciaires ils étaient tous les 41 000 ans. Et comment on a sauté de cycles glaciaires tous les 41 000 à tous les 100 000, c'est un petit peu mystérieux. Et on voudrait vraiment comprendre ça parce que là, il y a une très forte interaction entre le cycle du carbone et l'histoire de la température. Et aujourd'hui, qu'on est en train de perturber le cycle du carbone, on voudrait vraiment comprendre très précisément de combien la planète se réchauffe quand on double le CO2. Et pour ça, le passé a quelque chose à nous dire. Et du fait de pas être capable de comprendre pourquoi on peut sauter comme ça des aires glaciaires, de la périodicité des aires glaciaires, c'est un problème. Et à obtenir, on sait donc que dans le passé, il y avait 41 000 ans. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi on a sauté ces cycles. Et on pense que le cycle du carbone, c'est important. Et dans les carottes de glace, il y a un enregistrement du cycle du carbone. Il y a un enregistrement direct du CO2, du dioxyde de carbone, dans les petites bulles d'air qui sont piégées dans la glace. Et du coup, on a vraiment besoin d'avoir de cette glace bien vieille pour savoir c'était quoi le niveau de CO2 par rapport au niveau de température de la Terre, au niveau des mers. Et ça, c'est l'enjeu, en fait, d'essayer de trouver la glace bien vieille, donc de 1 million d'années. Et là, vous pouvez peut-être nous dire un mot, justement, de ce nouveau projet Beyond EPICA, on en a parlé, hein, ouais. Ici à Méthode Scientifique. On va essayer de carotter à 2,3 ou 2,7 km, je crois. De profondeur. De profondeur, oui, bien sûr, oui. Mais en fait, on va aller tout au fond de la calotte glaciaire. Le forage le plus profond aujourd'hui, c'est Vostok. Le challenge, c'est pas d'aller profond. On va toujours jusqu'au fond. Le challenge, c'est qu'au fond, il faut que la glace soit vieille. Et ça, c'est pas très facile. Parce que si l'épaisseur de glace est trop forte, en fait, la glace, comme il y a de l'air dedans, c'est un isolant thermique. Et du coup, la géothermie, par-dessous, ça va faire fondre la glace par en bas. Mmh. Et du coup, la glace du fond, la plus vieille, elle va avoir fondu. Et donc, ça va pas être si vieux que ça. Et si l'accumulation est trop faible, à ce moment-là, bah, il n'y a pas de glace très vieille qui s'est piégée. Et du coup, trouver un endroit parfait où ça ne fond pas en dessous, donc ce n'est pas trop épais, mais en même temps, l'accumulation est assez faible pour que ce soit vieux, c'est un vrai challenge. Et donc, on travaille dessus. Ouais. Christophe Leroy de Santos, vous avez eu des premiers retours justement de cette manip que vous avez installée à Concordia et à Dumont-d'Urville l'hiver dernier, enfin l'hiver d'ici, puisque c'était l'été là-bas. Ben, un des challenges, c'est qu'on a développé, enfin, il y a un instrument qui existe déjà pour la spectroscopie infrarouge, la méthode de mesure de la composition isotopique de la vapeur d'eau. Lui, heureusement, il coûte assez cher, il fonctionne très bien. Mais en parallèle de ça, il fallait un instrument pour le faire fonctionner lui, pour le calibrer, puisque étant donné qu'en Antarctique c'est très sec, ça fonctionne pas, cet instrument ne fonctionne pas de façon linéaire, donc bref, il faut corriger les mesures. Ce qui est un truc assez standard. Et donc, on a développé un instrument pour mesurer les erreurs de notre instrument. Bref. Et bien, cet instrument fonctionne. Et on l'a conçu pour cette mission. On l'a conçu pour qu'il soit utilisé par des hivernants qui sont pas spécialistes de notre domaine. On l'a conçu, et il continue de fonctionner et à Concordia et à Dumont-d'Urville. Donc, déjà, on sait qu'on va pouvoir corriger toutes les données qu'on a. Et les premiers résultats que j'en ai sont satisfaisants en termes de qualité de données. Voilà. Ce qui est intéressant, Cyprien Verceux, c'est qu'effectivement, il y a donc cette alternance hivernant-estivant, et qu'en fait, vous-même, vous êtes astrobiologiste. Quelle est la mission qu'on vous a confiée quand vous êtes parti en hivernage à Concordia? Alors moi, j'étais glaciologue avant tout. Alors je m'occupais des projets un peu différents parce que j'ai été recruté par l'Institut polaire italien. Et donc, c'est beaucoup de projets pour, en gros, documenter l'atmosphère, la neige en surface, parce que pendant l'hiver, il fait trop froid pour travailler sur les forages profonds, parce que la main-d'œuvre manque. Et voilà, on essaie de mieux comprendre les relations entre l'atmosphère et la neige pour pouvoir, par exemple, analyser des carottes comme EPICA. Et du coup, vos missions à vous, vous avez été formé par des glaciologues, vous avez été formé à Concordia, vous étiez formé avant Concordia. Comment est-ce qu'on vous a transmis cette connaissance de manip, puisque c'est un peu ce qui se passe? Alors, j'ai une formation théorique à Florence, justement par les laboratoires pour lesquels je travaillais sur place. Mais comme c'est beaucoup de travail de terrain, c'est vrai que le plus gros de la formation, il est sur place, à Concordia. Et qu'est-ce qu'on fait quand... parce que, alors, on va en reparler, hein, mais évidemment, les conditions climatiques entre la côte et l'intérieur ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont beaucoup plus dures à Concordia qu'elles ne le sont à Dumont-d'Urville. Comment est-ce qu'on fait des travaux de glaciologie en plein hiver polaire, quand il fait moins 50, moins 70, moins 80 dehors, et qu'on peut à peine, parce que j'imagine qu'il y a des jours entiers où vous n'avez pas pu aller dehors, ou vous avez pu sortir malgré tout tous les jours? Je sortais tous les jours. Maintenant, il y a des fois où je devais... Il y a eu deux ou trois jours où j'ai dû en fait juste rester près de la base et donc annuler certaines manips, simplement parce que quand il y a trop de vent, ça soulève énormément de neige et tout devient blanc. Et en fait, c'est très très difficile de se repérer et on peut se perdre. Et quand on se perd à moins 70, eh ben, on a des chances de ne pas pouvoir revenir. Donc déjà, on s'équipe, hein, donc il fallait mettre des sous-vêtements thermiques, il fallait mettre une grosse polaire, des pantalons polaires, cache-col, un masque, parfois une cagoule, un bonnet polaire, une combinaison qui est développée spécifiquement pour Concordia, des bottes qui peuvent résister à moins 100 degrés. Pour les mains, on avait donc des gants chauffants avec une batterie pour des gants électriques. Dedans, je mettais des sachets d'une poudre qui se réchauffe au contact de l'air. Par-dessus, je mettais des sous-gants, par-dessus des gants et par-dessus des énormes moufles. Déjà, là, on vérifie. Vous passez plus de temps à vous habiller qu'à aller faire votre manip, en quelque sorte. Presque. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis une fois qu'on sort, faut vérifier vraiment qu'il n'y a pas de peau exposée, parce que parfois, il y a un petit centimètre qui dépasse entre deux vêtements et elle peut geler en quelques secondes s'il y a un coup de vent. Allez, Sorcy, vous avez travaillé avec des hivernants justement aussi, pareil, qui devaient rester, continuer à effectuer des manipulations pendant l'hiver austral. Dans notre équipe, on travaille avec des hivernants comme lui qui vont faire des mesures de prélèvement de neige répétées tout l'hiver ou de précipitations, oui. Et puis, comme l'explique Christophe, il y a des instruments aujourd'hui qui mesurent en continu et dont un hivernant s'occupe de vérifier que tout va bien, de refaire les standards une fois de temps en temps. Et vous continuez au cours de l'année à avoir des contacts avec les hivernants pour savoir si tout se passe bien, oui, bien si la nature, évidemment. C'est indispensable. Ouais. Ça consistait en quoi votre manip à vous, Cyprien? J'en avais plusieurs, donc je sortais à 700 mètres, 1 km de la base pour aller donc faire des observations météo, faire des observations sur la neige qui s'était accumulée dans les dernières 24 heures, voir sa structure, les précipitations, etc. Après, j'allais dans un conteneur où il y a des pompes qui va filtrer l'atmosphère et récolter les particules transportées par l'atmosphère sur des filtres. Donc, il fallait les changer, les archiver, parfois réparer les machines parce qu'avec la basse pression et le froid, il y avait souvent des ratés. De temps en temps, il fallait aussi faire ce qu'on appelait des puits de neige, donc faire un trou d'à peu près 1 mètre de profondeur, 1 mètre de large, aller dedans et puis tous les 10 cm faire des mesures de densité, de température, etc. Je devais aussi m'occuper d'un instrument qui en fait scannait la calotte polaire, parce que c'est un instrument qui ressemble à un instrument similaire qui est sur des satellites, et c'est pour en fait valider les données. C'est-à-dire que nous, on fait des mesures dans la neige directement, donc on connaît bien la neige à Concordia, et on vérifie que les données qu'on a de ces radiomètres correspond à ce qui se passe sur le terrain. Et donc ça permet de calibrer et de valider ces satellites. Et tout ça évidemment avec les moyens du bord, parce que quand il y a une petite avarie, quand il y a quelque chose qui casse, on ne peut pas commander la pièce de rechange, il faut se débrouiller avec ce qu'il y a sur place. Et c'est peu dire que l'Antarctique c'est le royaume de la débrouille, comme me le racontait en décembre dernier un hivernant et un estivant venu installer donc une manip. Alors Quentin Perret, technicien polyvalent, chaudronnier. Donc là, je suis en train de réaliser un mât pour une prise d'échantillons scientifiques. Donc là, ça fait bientôt un an que je suis là et on prend l'habitude de trouver des solutions en fonction de ce qu'on a, parce qu'au niveau de la matière première, on n'a pas énormément de choses. Du coup, on fait deux fois, trois fois, quatre fois le tour de la base avant de commencer pour pouvoir trouver le matériel qu'il nous faut. Qui est nécessaire pour réaliser ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que c'est beaucoup de récupération ? Ça, c'est un morceau de tube déjà qui a été récupéré, donc que j'ai trouvé dans des chutes. Et du coup, les vis aussi, on voit que c'est des vis qui ont déjà été utilisées, qu'on restock, on fait vraiment attention à jeter le moins possible. Ériger un mât de cette taille en Antarctique, je peux mourir tranquille, comme dirait Thierry Roland. Je tiens toujours à remercier les grands philosophes qui m'ont amené jusqu'ici. On met la protection, avec réservoir incorporé. Sortez couvert. Alors là, nous avons un bol Ikea qui servira à avoir un prix Nobel, messieurs. On remerciera les Suédois plus tard. Restera dans les annales. Allez, bim. quand même, en une semaine, j'aurais réussi à déballer la manip et à l'installer en entier en 6 jours. Pour de la logistique polaire, ça marche plutôt bien. Ah, c'est parti. Le moment tant attendu. Là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à tendre... Tendre les haubans. Voilà l'extrait de la série documentaire Un été en Antarctique que j'ai la chance d'aller tourner l'hiver dernier à la station Dumont-Durville. On vous a bien sûr mis les liens si vous voulez entendre l'intégralité des 10 épisodes sur le site de La Méthode Scientifique, sur le Twitter, sur le fil Twitter, pardon, La Méthode FC. Peut-être un mot donc, Christophe, sur cette manip et sur la façon dont vous vous retrouvez à travailler effectivement avec les plombiers, les chaudronniers, toute cette partie de la population technique qui est extrêmement importante et indispensable à la débrouille et à l'installation de ces manips dans ces conditions extrêmes. Mais on se retrouve de toute façon confronté à tout plein de problématiques qui sont pas liées à notre corps de métier de formation, et je pense en fait peu importe que ce soit du côté scientifique ou technique. Et ça conduit nécessairement à l'apprentissage d'une technique, à la compréhension d'une technologie qu'on n'aurait pas été voir dans la vraie vie, puisque on a quelqu'un qui est spécialiste et qui va le faire à notre place. Et donc c'est assez chouette parce que ça conduit à des moments sympas, bah comme là l'extrait que vous avez diffusé, où avec Quentin pendant une semaine on a travaillé main dans la main. C'était super intéressant parce que après évidemment la discussion dévie, on a chacun une expertise dans un domaine particulier. Je pense que c'est des moments qu'on n'a pas l'occasion de vivre aussi facilement ailleurs que dans une base en Antarctique. Anaïs Sorcy, c'est toujours le royaume de la débrouille, quelles que soient les bases. Ah oui, complètement. Racontez-nous un peu quel type de manipulation vous avez pu installer, dans quel type de conditions. Moi, une de mes spécialités, c'est de mesurer la température dans un trou de forage. C'est-à-dire qu'on fait la carotte de glace, et puis une fois qu'on l'a faite, il y a un trou. Et dans ce trou, on peut mesurer, avec un thermomètre au bout d'un très très long fil, la température à l'intérieur. Et ça nous renseigne sur... C'est une très bonne manière de mesurer le réchauffement climatique, parce que dedans, à 100 mètres de profondeur, en fait, la calotte glaciaire s'est pas encore réchauffée, elle s'est pas encore rendue compte qu'on avait le réchauffement climatique. Donc on a une histoire de la température moyenne des 100-200 dernières années, comme ça. Et puis on peut voir le réchauffement jusqu'au présent. Donc ça, c'est un exemple. Mais... par exemple, pour accéder à ce trou, le mieux, c'est de le faire 2-3 ans après le forage, parce que juste après le forage, il y a la perturbation qui est due au forage. Il faut le retrouver, le trou. Il faut savoir où il est. Il faut peut-être creuser un puits dans la neige qui fait 2-3 mètres de profondeur. Et puis, creuser 2 mètres, c'est facile. Creuser 3 mètres, ça commence à... Enfin, c'est plus haut que nous pour jeter la neige. Et ça, on fait souvent, par exemple, appel aussi à des gens pour nous aider. Ça ne demande pas de compétences particulières de savoir manier une pelle. Mais manier la pelle, c'est un grand constant de la vie sur le terrain aussi. Et c'est vrai que c'est... Très agréable. Je pense que sur le terrain, on est souvent à 50-50 entre technique et scientifique, parfois moins encore de scientifique. Et pour chaque petite chose, on fait appel aux uns et aux autres, mais en fait, tout le monde participe à tout. C'est-à-dire que le scientifique, il va participer à faire la cuisine, il va participer à pelleter de la neige pour faire de l'eau pour pouvoir boire. Il va aussi nettoyer les communs. Et le technique, il va venir aider le scientifique un jour quand il a besoin de deux mains de plus pour faire quelque chose, ou qu'il a besoin d'un savoir technique de refaire une pièce parce qu'il y a quelque chose qui a cassé et qu'on savait pas, ou alors qu'on a besoin d'une table pour pouvoir bosser dessus. Ça, c'est pareil dans les bases allemandes, c'est pareil dans toutes les bases scolaires. C'est pareil dans toutes les bases du monde, ouais. Cyprien Verseux aussi, pareil, alors Concordia, les conditions sont encore plus difficiles, mais la répartition, c'est quoi? C'est 50-50, 50 scientifiques, 50 techniques? Moitié scientifique, moitié technique, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous avez pu, si s'est passé quelque chose d'imprévu. Il se passe toujours des imprévus, mais comment est-ce qu'on compense quand il fait moins 70 et qu'il fait nuit dehors? Bah oui, il y a toujours des imprévus. D'ailleurs, on dit souvent, en Antarctique, pas de pronostic. Vous l'avez peut-être entendu aussi quand vous êtes allé à Dumont-Durville. On s'entraide beaucoup, en fait. Et justement, comme Anaïs le disait, on avait beaucoup des scientifiques qui allaient pelleter de la neige pendant des heures pour aider l'équipe technique à accéder à des containers. Des techniciens qui venaient nous aider à creuser des puits de neige, parce que vous parlez justement de pelleter la neige. Et c'est vrai que quand il fait moins 70, en plus à Concordia, avec un peu plus de 60% de l'oxygène qu'on a au niveau de la mer, on s'essouffle. Oui, parce qu'on est à 3200 mètres d'altitude, ouais, rappelons-le. Ouais. Et en plus, l'atmosphère est plus fine au pôle, donc c'est comme être à 3800, 4000 mètres dans les Alpes. Et donc, on respire beaucoup plus, on s'essouffle. En plus, la buée de notre respiration se condense et donc on se retrouve avec de la glace qui se forme sur les cils, etc. Et puis, donc, on est essoufflé. Après, dès qu'on fait des tours, donc pour un qui pellette et un qui se repose. Mais pendant qu'on se repose, eh ben, on a souvent les doigts, les pieds qui gèlent. Et donc, c'est assez sportif. Et on se fait aider des techniciens qui, gentiment, viennent nous filer un coup de main. Et du coup, Christophe Dos Santos, aujourd'hui, vous avez, quand j'étais à Dumont d'Urville, vous avez formé un hivernant qui était glaciologue, qui travaillait sur la glace bleue. On a des souvenirs de tronçonnage de glace intempestif. Vous avez des nouvelles de Guillaume? Vous êtes en contact avec lui toujours? Grégoire. De Grégoire, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Il ne nous entend pas, je pense. Ouais, peut-être qu'il pourra nous podcast. Effectivement. Grégoire, il va très bien. Je crois qu'il passe un bon hivernage. Et puis, alors, sur l'aspect donc professionnel, c'est super. Il est hyper réactif. Dès qu'il y a un problème, il réagit. On lui a demandé plein de tests parce que c'est-à-dire que la manip fonctionne bien. On aimerait bien qu'elle fonctionne mieux, évidemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas assez bien? Non, disons qu'il y a des instabilités, mais je veux dire, elle fonctionne. Ce qui en soit déjà une grosse réussite, elle fonctionne, elle est fonctionnelle depuis quasiment un an maintenant, enfin bientôt un an. Pareil à Concordia, donc c'est super. Elle est parfois instable, et donc on lui demande de faire des tests, de vérifier, de nettoyer, de changer le standard, de ci, de ça, bref, et il le fait, et c'est super, et donc on a une collaboration comme ça. Et ce qui est super facilité dans notre cas, puisqu'on s'est connus et qu'on a passé un mois ensemble sur le terrain. Donc je et puis connaissant un petit peu ce que c'est que l'hivernage, j'aborde aussi à chaque fois la relation que j'ai avec lui en sachant qu'il a plein d'autres choses à faire et que c'est pas forcément la vision qu'on a quand on est dans la vraie vie, dans un laboratoire, sur des gens qui sont sur les bases. A posteriori, le bol IKEA, donc en route vers le Nobel. Le bol IKEA fonctionne à merveille. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, grand, grand, grand, comme le vent, et je suis douce comme l'eau. Et je suis tendre, tendre, tendre, tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mes deux amants sont beaux comme les arbres fleurs. Mes deux amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je le savais. Le temps est bon d'Isabelle Pierre, un petit clin d'œil aux camarades du Dumont d'Urville qui sont pas loin de la fin, qui vont revoir dans quelques semaines de nouveaux visages humains après ces 9 mois d'isolement. Nous parlons donc de l'Antarctique aujourd'hui en compagnie de Cyprien Verseux qui est directeur du laboratoire de microbiologie spatiale appliquée à l'Institut Allemand Zarm et auteur de Un hiver en Antarctique, Un hiver antarctique plus exactement, Seul sur la planète blanche, audition Hugo Image, avec Anaïs Orsi qui est climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et avec Christophe Leroy de Santos qui est doctorant au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors on ne peut évidemment pas limiter l'expérience de l'Antarctique à une seule parenthèse scientifique, c'est bien plus que cela. C'est d'ailleurs ce qui transpire de votre récit, hein, qui est un récit qui était un journal de bord que vous avez un peu étoffé pour la publication. Et je dois dire que l'entrée en matière, Cyprien Verseux, est assez surprenante, avec cette espèce de psychiatre complètement cinglée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Non, mais c'est assez fou. Elle vous brusque. Elle vous dit des choses terrifiantes. Racontez-nous un peu. Bah, je pense que voilà, en fait, c'est donc là le processus de sélection pour un hivernage à Concordia est assez long. Il est plus long pour Dumont d'Urville. Je crois. Parce qu'en plus, c'est pas le même. Enfin, j'ai été sélectionné par l'Institut polaire italien, qui a un processus plus long aussi que l'IPEV. Donc c'est voilà. Et donc ça a commencé avec 2 jours dans un hôpital militaire où j'ai vu notamment une psychologue, un psychiatre, un neurologue, où j'ai fait des heures de tests psychologiques. Et cette psychologue, oui, elle essayait de me brusquer, de me faire sortir de mes gonds, et je pense pour voir comment est-ce que je réagissais, pour voir si je pouvais poser problème. Parce qu'une fois qu'on a commencé l'hivernage, et pendant 9 mois, on peut pas être évacué. Donc faut être sûr que personne va devenir fou pendant. Elle vous a brusqué vraiment beaucoup. Hein. Au début vous dites bon, pourquoi tu veux aller en Antarctique? Tu crois que tu vas y trouver Dieu? Tu crois que tu vas trouver le sens de la vie ou je sais quelle connerie? Enfin elle est. Elle était ouais, elle y allait. Ouais. Christophe, le roi de Santos, vous avez eu la même? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi aussi j'ai été embauché par les Italiens. Parce que donc, il faut préciser que vous avez fait un hivernage à Concordia. Hein. Oui, voilà. Il y a quelques années. Voilà, en 2013. Et donc, en fait, j'ai dû vivre une expérience assez similaire. Et également, le test psychologique m'a beaucoup marqué. Et je crois que le test français, beaucoup plus soft, c'est petite analyse de Rorschach. Et puis comment ça va, et voilà. Alors que les Italiens, voilà, c'est effectivement plus brusque. Et moi, c'était, t'es trop jeune, tu vas jamais y arriver. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est beaucoup trop de responsabilités pour toi, mais tu vas jamais y arriver. Moi, je serais toi, je te laisserais jamais partir. C'est vrai que sûrement, c'est assez décontenant. Ouais. Et d'ailleurs, je pensais que c'était évident qu'elle plaisantait, mais il y a des gens quand même qui se sont engueulés avec elle et qui n'ont pas été pris. Ah oui. Parce que vous avez compris que c'était du jeu. Bah oui, très rapidement. Enfin, c'est tellement exagéré. Voilà, j'entre dans la pièce et qu'elle fait. Est-ce que je t'ai dit de t'asseoir maintenant? Assieds-toi. Recule. Elle m'envoie au milieu de la pièce comme ça, comme si je puais. Enfin, puis vraiment insultante, qui essaie de mettre les doigts dans toutes les failles, de chercher les mots pour me blesser. C'était drôle en fait quand on y est. Mais il y a voilà des gens qui m'ont dit t'as eu la même psychologue. Bah dis donc, t'as vu? Moi, je l'ai remise à sa place. Et du coup, ils sont pas partis. Est-ce que vous vous souvenez les uns et les autres? Anaïs Orcide, de la première fois que vous êtes, de votre arrivée sur ce continent antarctique, qu'est-ce que ça fait, ces premiers instants où on voit d'abord et puis où on débarque? Alors c'est vrai que mon expérience, elle était peut-être un peu différente de la vôtre parce que moi j'y suis allée par avion. Et c'est vrai que c'est quelque part un peu triste et un peu triché parce qu'on arrive de... Donc moi je suis arrivée de Christchurch par avion et on arrive sur le plat et le blanc. Et par exemple, on voit pas de manchots quand on arrive par avion. On voit pas de baleines, on voit pas de Pâques. On a cette arrivée en fait très brutale sur le blanc et le bleu. Parce que c'est toujours une super belle journée, sinon l'avion n'aurait pas volé. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. C'est bien verseux. Vous êtes venu par la mer? Ouais. Alors j'ai eu la chance. J'ai eu un voyage qui a duré 20 jours à cause de panne technique. Je dis j'ai eu la chance parce que ça m'a permis de voir des choses vraiment très très belles. Donc je suis allé en avion jusqu'à Hobart en Tasmanie. Ensuite j'ai pris le brise-glace l'Astrolabe, qui est surnommé le gastrolabe parce que on tombe malade. Parce que la mer est très très violente. Oui. Voilà. Et puis là l'Astrolabe a une forme particulière qui fait que les gens tombent malades, mais qui est un voyage qui est vraiment magnifique. C'est quand on commence à arriver vers le continent antarctique, on commence à voir un morceau de glace et puis un iceberg et puis de plus en plus de glace et puis des orques, des baleines, des manchots, des phoques, tous les oiseaux aussi, des pétrels, des albatros, c'est vraiment magnifique. Et puis au bout d'un moment, on arrive, on traverse donc ce qu'on appelle le pack, donc des morceaux de banquise qui commencent à être confluents, très très très très denses. Et puis on voit le continent antarctique qui est une masse blanche au loin, on le voit très très nettement parce que l'air est très sec, très fin. Et puis voilà, on vient se ficher dans la banquise. Et c'est merveilleux, surtout qu'après, voilà, quand on voit donc le jour se coucher. Alors, à cette latitude, à la période où j'y étais, le soleil se couchait pas complètement. On avait un très long coucher de soleil qui était suivi par un lever de soleil. Et ça donnait des couleurs orange, rose à la mer, aux icebergs. Enfin, c'était vraiment les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Christophe Leroy dos Santos. Je confirme. Non, mais la première fois, quand vous êtes arrivé à Concordia, vous y êtes allé en avion la première fois? Ouais, et j'ai pris l'Astrolabe. En fait, on a dû faire le même chemin avec Cyprien. J'ai pris l'Astrolabe, mais le vieux, la première fois. Donc, encore plus malade. Et un petit peu plus long. L'arrivée avec les manchots et tout, c'était très, très, très émouvant. Mais moins que l'arrivée sur le continent où j'ai vu, en fait, se dessiner la base depuis le hublot de l'avion, en twin hauteur, quoi. Un petit avion d'Indiana Jones, quoi. Et où j'ai pas pleuré, mais moi j'étais très très très très ému parce que j'ai compris que cet îlot perdu au milieu de ce désert allait être ma maison pendant un an. Et je me suis dit, c'était la plus grande sensation de vertige que j'ai ressentie. Donc voilà. J'ai la même sensation, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a du Mont-d'Urville, le voyage n'est pas fini. On prend donc le Twin Otter, on a à peu près 4 heures de vol, et pendant 4 heures, on voit la neige, le ciel, c'est tout. Et c'est là qu'on réalise à quel point on sera isolé. Mais c'est vrai qu'une chose de l'arrivée, c'est qu'on arrive avec l'avion, les portes s'ouvrent, et il y a tout le monde qui vient nous dire bonjour. Et c'est ça aussi, c'est qu'on arrive, on n'est pas tout seul, on est accueilli par tout un groupe qui est content de, ou pas, de voir des nouvelles têtes. Et d'emblée, en fait, on est happé par la famille antarctique. Ça, c'est quand on est estivant et qu'il y a tous les hivernants, parce que de facto, vous venez casser justement les mois de solitude. C'est un peu ce que j'ai vécu l'année dernière. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, GG. Soyez bienvenus à Dumont-d'Urville. Il est prévu qu'on remonte ensemble à pied jusqu'à la base et vos bagages vont transiter pendant ce temps-là en véhicule parce qu'avec les conditions qu'il y a, on n'était pas tout à fait sûr que les véhicules pouvaient remonter tout le monde. Donc voilà, on va vous guider. Pas de grosses précautions particulières. On est là sur l'île du Lion et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont-d'Urville. Juste contourner comme il faut le bord banquise et puis voilà, on va vous guider. Bienvenue, on est content de vous voir. Non, merci. T'as pas trop maigri, t'es... Ah non, j'ai pas trop maigri, moi. Salut. Salut. Je suis Nicolas. Moi, je suis France Culture. Ok, salut France Culture. Enchanté, ton prénom, c'est ? Douglas. Salut Douglas. Content d'arriver, content de vous voir, en tout cas. Ouais, bah, nous aussi, ouais. Enfin, moi aussi. Et toi, t'es chercheur ? Ouais, je travaille sur les manchots. Ouais. D'accord. Ornithologue, manchologue. Manchologue. Manchologue, on dit, ouais. C'est l'autre comité d'accueil, là, juste à ouais, côté. Voilà, ouais, voilà, ouais. Ouais, ils sont moins cool que nous, ceux-là. Hein. Ah ouais, c'est des manchots à Delhi, ça. Ouais, donc là, c'est des manchots à Delhi. Donc t'en as qui partent en mer, d'autres qui reviennent. Tous ceux que tu vois monter, là, c'est sans doute... ils rejoignent leur colonie, leur nid, pour prendre la relève de leur partenaire. Et là, c'est des femelles qui reviennent, surtout en ce moment. Et c'est les mâles qui sont sur le nid. Et voilà, donc les Adélie, eux, ils investissent surtout les cailloux. Et les empereurs, ils sont surtout... voilà, tu les vois là-bas. Les empereurs, ils sont sur la banquise directement. Oui, oui, ok. Voilà. Bon, là, il y a un temps de merde, donc on voit pas bien, mais il y a le glacier de l'Astrolabe qui est juste là, enfin, tout là derrière. On verra mieux demain. Demain, il y a une bonne météo. Et en plus, c'est de la neige fraîche, là, c'est trop cool. C'est trop bien de faire... bataille de boules de neige, tout ça. Voilà, autre extrait de la série documentaire Un été en Antarctique, avec notamment les voix d'Hélène Larmet, de Douglas Couette, l'ornithologue. Peut-être un mot là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de glaciologie, mais justement sur la science que l'on fait, Dumont-d'Urville, c'est plus une base d'ornithologie, Christophe Leroy de Santos. Oui, enfin en tout cas, c'est vrai que c'est la principale activité scientifique en ce moment à Dumont-d'Urville, c'est l'ornithologie, la biologie en fait, au sens la biologie marine. Large, ouais. Parce qu'il y a moins d'outils, il y a moins de manips de glaciologie à faire à Dumont-d'Urville. Pourquoi est-ce que c'est plus la glacio à Concordia et l'ornithologie simplement parce qu'il y a des colonies d'oiseaux. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs raisons, une un peu historique. Les manchots ont toujours été là, ça a toujours été un domaine un peu de fascination, les empereurs, etc. La base de Dumont-d'Urville est vraiment, je crois, un vivier biologique particulièrement riche pour l'ensemble de l'Antarctique, quoi. Donc c'est il y a aussi ça, mais pour ce qui est du climat, en fait, c'est que, comme on est quand même vraiment porté par les forages, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est un peu plus le plateau ou les zones intermédiaires, mais j'ai pas envie de dire trop de bêtises, je pense que je pourrais laisser la parole. Allez, sorcier, oui. En fait, il faudrait un glacier pour faire de la glaciologie. Oui. Et Dumont-d'Urville, c'est sur un rocher, même la roche. Et donc, on n'est pas sur un glacier. Donc voilà. La meilleure réponse, donc. Et donc. C'était pas mal aussi. La glaciologie se fait à Cap Prudhomme, qui est pas loin, 5 km, où il y a toutes les bases. Il y a l'observatoire Samba de Billandmass, qui est pas si loin, en fait. Et c'est là où se fait la glaciologie de Dumont-d'Urville. Il y a le glacier de l'Astrolabe qui est juste à côté, sur lequel on peut aller carotter. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des activités qui se font là, mais elles se font l'été, en tout cas, à partir de Cap Prudhomme essentiellement. Il y a d'autres activités qu'on n'a pas évoquées, et qui se font notamment à Concordia, de l'observation spatiale. Cyprien Verseux. Alors, observation spatiale, il y a à la fois l'astronomie, parce que l'atmosphère est très fine et très sèche, donc on voit très bien à travers. L'air, passé les 30 premiers mètres, il est pas turbulent du tout, donc on voit, c'est très bien. Et puis en plus, comme il y a la nuit continue, donc il y a notamment une période où pendant 3 mois, le soleil n'atteint même pas la ligne d'horizon, donc on peut suivre des objets célestes en permanence. Et puis, il y a aussi des choses qui sont liées à l'exploration spatiale, parce que Concordia, c'est ce qui se rapproche le plus d'une future base sur la Lune ou sur Mars, parce qu'il y a l'isolement. 9 mois, on ne peut pas être secouru. On ne doit pas s'adapter à la gravité, mais au faible taux d'oxygène, et puis au froid, et puis au jour et aux nuits qui peuvent durer des mois. Il y a le danger. En fait, on dépend de la technologie pour survivre. Pas parce que l'air est pas respirable, mais parce qu'on n'aurait pas beaucoup de temps devant nous si le chauffage arrêtait de fonctionner. Et en fait, il y a plein d'autres aspects, donc du profil des équipiers au type d'activité qu'on a sur place, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fera sur la Lune ou sur Mars. Cette notion de danger, elle est présente, elle est tout au long des 9 mois? Bon, je pense que ça dépend des gens, et puis on s'y habitue assez vite, en fait. Christophe Dos Santos? Sur la notion de danger. Qu'elle est présente tout au long des 9 mois, c'est-à-dire que ce que vient de dire Cyprien Verceau, à savoir si le chauffage tombe en panne, il nous reste pas beaucoup de temps à vivre. Ouais, mais c'est marrant parce que, enfin, je sais pas si on a la même expérience ou le même ressenti, mais en fait, on est quand même dans un confort qui fait qu'on oublie la notion de danger, quoi. Enfin, les engelures, c'est-à-dire, voilà, le petit bout de peau qui dépasse, c'est vrai que lui, il est fatal, et c'est un truc qu'on fait vraiment hyper attention, plus que la quantité de vêtements, c'est qu'il y a absolument rien qui dépasse. Mais après, la base c'est une base assez moderne, Concordia. Puisqu'elle a été construite à la fin des années 90, voilà, inaugurée en 2005. Pas beaucoup plus de 10 ans. Et elle est plutôt fonctionnelle, elle fonctionne plutôt bien, tout a été plutôt bien pensé. On peut dire qu'elle est très, pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, elle est faite de façon très différente de Dumont d'Urville. C'est-à-dire que Concordia, on peut rester à l'intérieur sans sortir du tout pendant plusieurs jours si on veut, alors que Dumont d'Urville, il faut toujours aller mettre le nez dehors pour passer des dortoirs. Ce sont un peu comme des Algeco qui sont posés. C'est le jour et la nuit. Oui. C'est le jour et la nuit, mais aussi, c'est vraiment historique. C'est-à-dire que Concordia, ça a été conçu d'un seul bloc. Enfin, je veux dire, avant, il y a eu le camp d'été, il y a eu le forage, etc. Et après, on a conçu cette base d'hivernage où on n'avait plus besoin de sortir. On peut rester dedans plusieurs jours sans problème, alors que Dumont d'Urville, c'est un bâtiment puis l'autre, etc. Donc c'est de toute façon complètement différent, et c'est une base qui a été commencée à être construite il y a plus de 50 ans. Oui, Cyprien Verceau. Il y a des gens qui sortent plus de Concordia, c'est rare, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin pour leur travail de sortir. Il y en a qui sortent quand même pour voir le paysage, dégourdir les jambes, mais il y a eu des cas où des gens disent je sors pas de la base, et qui sont restés tout l'hiver sans sortir. Tout l'hiver, c'est-à-dire les 9 mois, non pas les 9 mois sans sortir. Si, les 9 mois d'hivernage, oui, ils sont sortis peut-être une fois, mais pas plus. Quand vous étiez à Concordia, Christophe Leroy de Santos, vous travailliez justement, vous ne faisiez pas de glaciologie à l'époque, vous travailliez à l'observation de Beta Pictoris. De Beta Pictoris, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que je pense que vous confondez avec avec ASTEP, oui. Oui, c'est ça. Je me trompe d'observatoire. En fait, malheureusement, aux dernières infos que j'ai, la manip sur laquelle je travaillais ne fonctionne plus. Enfin, n'est plus en état. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Racontez-nous ce que vous faisiez. Et en gros, il y avait un télescope qui était assez ambitieux, qui était un télescope de 1 mètre de diamètre, qui devait faire de l'astronomie infrarouge. Et c'était ce qu'on appelle un démonstrateur de technologie. L'idée, il avait jamais fonctionné. C'était un gros télescope par rapport à ce qui se fait en Antarctique. Parce que c'est lourd, les télescopes, c'est des gros moyens. On le voit quand on regarde au Chili, la taille des trucs, etc. Et là, 1 mètre pour l'Antarctique, c'était beaucoup. Bref. Et en parallèle de ça, il y avait un instrument français, un instrument italien, et le télescope était d'un autre laboratoire italien. Donc il y avait 3 labos qui travaillaient ensemble sur ce gros projet qui était cet instrument. Et en gros, j'ai eu la chance de faire le premier hiver de l'ensemble télescope plus instrument avec un autre hivernant. On était deux techniciens ingénieurs dessus. Et quel était l'objectif? Pardon. C'était un démonstrateur de technologie, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une volonté d'observer le ciel, mais c'était plus de voir si on était capable de le faire. Et ça a fonctionné. On a réussi à faire quelques images, mais ça a été très très très compliqué. C'est Irate ou c'est... C'était Irate. Ouais. Irate est encore maintenant en développement. C'est-à-dire que là, on avait Marco Boutou qui est ingénieur, qui travaille dans l'astronomie, qui a fait beaucoup de travail sur ce télescope, et on espère qu'il fonctionnera bientôt. Mais il y a effectivement ASTEP qui observe Beta Pictoris, et là qui fonctionne depuis quelques années. Et alors justement, quels sont les travaux qui sont faits autour de cette observation de Beta Pictoris? Pourquoi Beta Pictoris en particulier? Parce que c'est très proche. Je crois que c'est 60. Bon, je vais pas dire de bêtises, mais bref, une étoile qui est très proche et qui a des planètes autour. Et voilà, on se demande si elle pourrait être habitable ou pas. Et donc là, on essaie de l'observer et puis d'essayer de comprendre combien il y a de planètes, quelles sont leurs caractéristiques. Et alors donc ça c'est les travaux que l'on fait de recherche, on a parlé de glaciologie, on a parlé d'ornithologie, on reviendra d'ailleurs hein, sur les oiseaux marins dans une émission prochaine. La question, et qui est une question qui vous intéresse Christophe Toiro de Santo, c'est la question du départ. Comment est-ce que on quitte une expérience? Vous avez passé un hivernage à Concordia, vous êtes retourné alors pour un estivage cette fois-ci à Dumont-d'Urville. Qu'est-ce qui se passe quand, comment est-ce qu'on part d'une expérience pareille? Ah, c'est marrant, parce que moi je m'intéresse beaucoup au retour, mais je comprends de quel départ vous voulez parler. Comment on part, comment on sort d'une expérience comme ça? Je m'attendais pas à parler de ça. C'est très intense, et en fait c'est Cyprien confirmera certainement, surtout dans quelques mois, j'en sais rien, mais il a déjà vécu une expérience similaire à Hawaï du coup. Mais c'est un sac de nœuds qu'on met du temps à défaire, et on tire la pelote, et là il y avait un nœud, j'avais pas identifié, tac, etc. En fait on se retrouve dans un environnement extrême pendant un an, extrême surtout du point de vue en fait psychologique, parce que oui c'est extrême physiquement, mais encore une fois il y a quand même une notion de confort qui est pas... Enfin, je veux dire, on est loin des grands explorateurs du début du XXe siècle. Et c'est plutôt, en fait, le confinement, la solitude, l'isolement, des choses comme ça poussées à l'extrême qui vont avoir une influence consciente ou inconsciente. Enfin, disons qu'on perçoit ou qu'on ne perçoit pas sur nous-mêmes. Et j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas et dans le cas d'autres personnes avec qui j'ai discuté de ça, que le départ est compliqué parce qu'on laisse un bout de vie qu'on sait qu'on récupérera jamais et que c'est une expérience fermée, on pourra jamais, même en y retournant finalement, on récupère pas l'expérience qu'on a vécue, mais c'est plutôt le retour à la vie qui peut mettre un petit peu de temps, enfin ça dépend des gens, ça peut avoir plusieurs formes. C'est pas inverse, comment à la veille du départ ou le jour du départ, ça se passe comment? Le jour du départ, je pense que c'est pas tellement représentatif parce que on part, on est triste de partir. On est un peu soulagé aussi que la mission soit finie. On est très fatigué parce que Concordia, on dort très peu et très mal à cause du manque d'oxygène. Mais je pense que ça vient plus après, qu'on doit réintégrer sa vie normale, que là ça posait problème. Alors moi j'ai eu la chance de repartir vers des nouveaux projets. Ceux qui après Concordia doivent retourner à leur routine, je pense qu'ils ont beaucoup plus de mal. Il y en a beaucoup qui essaient de repartir. Alors évidemment tous les ressentis sont personnels, différents. J'aimerais vous faire écouter celui que j'ai pu recueillir d'une des hivernantes de la saison précédente. Le départ, vous l'appréhendez comment, Audrey? Je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui arrivent après l'hiver, comme ça on a envie de rentrer. Parce qu'une campagne d'été après une campagne d'hiver, c'est toujours un peu lourd. Alors que si on devait partir directement après l'hiver, je crois que ce serait un peu violent, on va dire. Ouais, parce qu'on est habitué à vivre à 24 et que de voir des gens arriver qui n'ont pas du tout les mêmes modes de vie que nous, parce que nous on a instauré notre petite vie aussi ici, on a rencontré personne pendant 9 mois. Donc déjà rencontrer des gens c'est en même temps bien, ça fait plaisir parce que ça manque aussi pendant l'hiver. Mais en même temps c'est un peu... ici on est un peu à l'étroit aussi, c'est pas... Donc oui du coup on est content de rentrer. Je pense que tout le monde est assez content de rentrer. Moi je vais rentrer directement mais... En fait ce qui est compliqué c'est de se dire qu'on revivra jamais ça. Parce que même si on repostule on sera pas avec les MNTA. Donc tout sera différent et le fait que quelque chose soit vraiment fini et qu'on n'y aura plus du tout accès, c'est ça qui est un peu, je pense, triste. Vous avez le sentiment que vous reviendrez, que vous allez essayer de revenir en Antarctique ou c'était un one shot? Non, je pense pas, mais c'est pour des raisons écologiques. Je pense que c'est une aberration que l'homme vienne ici, mais après ça reste personnel. Je m'en suis rendu compte en fait ici quand on voit tout ce qu'on génère comme gaz, pour pas tant de science que ça finalement. Voilà, c'était l'opinion très personnelle de Audrey, qui est technicienne LIDAR sur la TA précédente. Est-ce que envoyer tant de monde tous les ans, ça a du sens scientifiquement, écologiquement, selon vous, Anaïs Sorcier? Ça, c'est une très bonne question. Oui. Je pense que les questions éthiques, elles sont à l'appréciation de chacun. Est-ce que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose? Moi, je suis convaincue que oui, sinon je pense que je le ferais pas. Je pense que c'est... En fait, parfois, on se dit, tiens, les régions polaires, elles sont au bout du monde. Genre, c'est le bout de la chaîne. C'est comme si on prend le train, pas jusqu'au terminus. En fait, on s'en fiche que le train, il aille au terminus ou pas. Mais en fait, l'Antarctique, c'est pas le terminus du bout de la planète. En fait, la planète, c'est un puzzle et toutes les parties sont imbriquées. Et si on comprend pas comment change le climat dans les régions polaires, eh ben, on va pas réussir à comprendre toutes les autres parties du climat. Ce que j'explique souvent, c'est que il y a du vent sur la Terre. parce qu'il y a des différences de température entre l'équateur et les pôles. Des différences de température entre l'équateur et les pôles parce que la Terre est ronde et que les régions polaires reçoivent moins de soleil. Mais si on change cette différence de température entre l'équateur et les pôles, eh ben là où on va avoir les pluies tropicales, là où on va avoir les déserts de la planète, là où on va avoir les zones tempérées des moyennes latitudes, tout ça, ça va changer en latitude. Et donc, c'est en fait la différence entre l'équateur et les pôles, c'est ça qui drive toute la circulation générale d'atmosphère. Donc savoir ce qui se passe au bout de la chaîne, en fait, c'est essentiel pour comprendre les grands équilibres climatiques, même aujourd'hui, et ce qu'on est en train de perturber. Donc on ne peut pas faire l'économie en fait, d'étudier l'Antarctique. C'est vrai, mais est-ce que c'est vrai que, comme on dit de la station spatiale, que c'est le laboratoire le plus cher du monde pour une science qui n'est pas extraordinaire? Est-ce que c'est un peu vrai de l'Antarctique aussi? Alors je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que alors déjà, on fait énormément avec, surtout la France, qui a quand même relativement peu de financement pour ces missions-là par rapport à des pays comme l'Italie et l'Allemagne, mais qui envoient plus de chercheurs et qui a énormément de données. Alors, donc on a parlé de la glaciologie, on a parlé de l'espace, mais il y a aussi un observatoire sismologique, il y a un observatoire sur le magnétisme, justement. Il y a des radiations solaires. Il y a énormément de science qui est faite là-bas. Alors, c'est vrai qu'il y a un coût. Alors, je pense que la personne qui a été interrogée parlait pas tellement du coût économique, mais du coût écologique. Bien sûr. C'est vrai que, pour aller en Antarctique, il faut y arriver. C'est un voyage. Donc, c'est vrai que ça émet du dioxyde de carbone. Ça pollue un peu. Sur place, on fait tout ce qu'on peut pour polluer le moins possible. C'est-à-dire que la base est très, très bien isolée, très bien conçue. Tous nos déchets, on les compacte au maximum et on les remporte pendant l'été sur le continent. Alors, on peut pas tellement utiliser de panneaux solaires pendant l'hiver parce qu'il n'y a pas de soleil. On n'a pas d'autres sources géothermiques, aquatiques, quoi que ce soit. Donc, on doit utiliser du carburant. Mais on l'économise au maximum. Et je pense que c'est le prix à payer pour toutes les données qu'on obtient pour en savoir plus sur la Terre. Et je pense que ça vaut le coup. Christophe Leroy de Santos, sur cette question. En fait, je dirais comme Anaïs, c'est à l'appréciation de chacun. C'est trop difficile de dire ça c'est polluant, ça c'est pas polluant, ça contribue au réchauffement climatique, ça contribue pas au réchauffement climatique. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des sondes spatiales pour explorer le système solaire? C'est exactement la même question. Je pense que s'il y a des économies à faire, déjà, elle est pas sur la science. Mais, mine de rien, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on écrit un projet ou quoi, je pense que c'est la tendance. C'est quand même important de considérer, parce que c'est une chose qu'on faisait pas forcément, nous scientifiques, de savoir si ce qu'on va faire, est-ce que ça n'a pas déjà été un peu fait, est-ce qu'on peut pas réutiliser le truc de machin, est-ce qu'on est obligé de renvoyer tout cet appareil, par exemple, est-ce qu'on peut pas mutualiser certains instruments, certaines demandes énergétiques, mais ce qui est aussi fait au niveau de l'IPEF, puisque de toute façon c'est intéressant d'amener le moins de gasoil possible, puisque ça a un coût. Mais bon voilà, c'est l'appréciation de chacun, c'est aussi que chacun y mette un peu. Enfin, on peut pas interdire de faire de la science, donc à chacun de voir si il estime que sa science a vraiment une répercussion et est-ce qu'il va s'y balader ou pas. Mais c'est vrai que l'IPEF, par exemple, fait un super l'Institut polaire, effort. Oui. L'Institut polaire français fait un bel effort pour essayer d'amener les renouvelables en Antarctique et de avoir le moins de consommation énergétique possible. Aussi parce que c'est une histoire de coût, tout simplement. Mais la vraie question sur l'Antarctique, ça va rester, est-ce qu'on ouvre l'Antarctique au tourisme? À quelle quantité? Et ça, c'est une énorme question parce qu'il y aura beaucoup plus de touristes que de scientifiques. Et ça, c'est un impact environnemental aussi, mais éthiquement, est-ce qu'on peut dire nous on a le droit d'y aller, vous n'avez pas le droit? C'est pas facile, hein, c'est des questions difficiles. Cyprien, je pense que le fait qu'on préserve l'Antarctique au nom de la science, ça permet d'éviter qu'il y ait de l'exploitation minière, qu'il y ait un tourisme excessif, etc. Et donc au final, je pense que ça limite la pollution du continent. Cyprien, après Hawaï, après l'Antarctique, le prochain départ, c'est où? Pour l'instant, l'ISS. J'espère bien. C'est vrai. J'essaierai, je serai candidat, ouais. Après, voilà, il y aura beaucoup de candidats, mais j'aimerais beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de la science en Antarctique. Merci Anaïs Orsi, merci Christophe Leroy de Santos, merci Cyprien Verceux. Je rappelle qu'on peut lire votre carnet de ce long voyage en Antarctique, un hiver antarctique seul sur la planète blanche. C'est aux éditions Hugo Images. Si vous voulez réentendre l'intégralité des 10 épisodes de l'été en Antarctique de l'autre saison, on vous remet le lien sur le fil Twitter @laméthodefc. Puis je remercie évidemment l'Institut Paul Émile Victor, l'Institut Polaire, qui était partenaire de ce documentaire et sans qui je n'aurais évidemment pas pu le faire. Et puis c'est comme tous les mercredis, les idées claires aujourd'hui avec cette question. Après de nouveaux drames en Méditerranée, les ONG sont-elles complices des passeurs? Vous pouvez retrouver les idées claires en podcast ou en vidéo sur les fils Facebook et Twitter de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Émilie Valla à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, est-ce une onde? Est-ce un corpuscule? Peut-on seulement le dire? Nous nous vous raconterons comment Huygens a émis la théorie ondulatoire de la lumière. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.